Chapitre 40e. On était au milieu de l'été. Les bois, les sentiers, les jardins, les prairies et les champs étaient dans tout l'éclat de leur beauté. La magnificence des arbres du bois de Tinglay attirait souvent les promeneurs sous leur ombre. Certaines allées, entre autres, avaient un charme tout particulier pour Dulcie et Lady Frances. Mais elles n'y rencontraient jamais ni Morton, ni ses sœurs, ni même Elizabeth Hardman. Les châtelains de Tinglay s'aventuraient rarement plus loin que le jardin ou le parc. Les longues promenades à pied n'étaient un plaisir ni pour Clémentine ni pour Horatia. Quant à Morton, il était de tous les hommes le moins disposé à promener ses rêveries sous le dôme vert des forêts. Dulcie retrouvait souvent Lucy Green assise sur un banc, travaillant pendant que ses enfants jouaient autour d'elle, aussi insouciant de l'avenir, pauvre petit, que les papillons qui volaient au-dessus de leur tête. Son état, toutefois, ne cessait de s'aggraver, et bientôt il lui devint impossible de sortir de sa chambre. Dulcie n'hésita pas à l'aller voir dans son modeste logis. Rien ne semblait d'ailleurs faire autant de plaisir à la pauvre malade que les visites de la fille de son ancienne maîtresse. Elle rencontrait souvent à ce chevet de douleur Miss Dorothy Blake, l'ange tutélaire du pays. Dulcie partit un jour de bonne heure de Fairview, comptant consacrer une partie de sa journée à Lucy Green. Elle portait au bras une grande corbeille de fleurs et de fruits, et dans sa main, un sac qui contenait son ouvrage et un livre. Lorsque Dulcie ouvrit la porte, tout était silencieux au rez-de-chaussée. Elle traversa la cuisine et regarda par la fenêtre ouverte. La servante étendait du linge sur les lilas. Dulcie monta sans bruit, en tenant la rampe de l'escalier. Elle allait entrer dans la chambre de la malade, quand le son d'une voix d'homme, à elle bien connue, fit violemment battre son cœur. Elle s'apprêtait à redescendre, lorsque Mattie, la fille aînée de Lucie, émergea de sa chambrette, contiguë à celle de sa mère, en disant « Ah, Miss Dulcie, de grâce, ne partez pas sans avoir vu ma pauvre maman. M. Morton Blake est avec elle depuis quelque temps et, si vous vouliez bien l'attendre ici, vous pourriez entrer chez elle dès qu'il l'aurait quittée. Je crois, cher enfant, qu'il est préférable que je remette ma visite à une autre fois. Vous offrirez de ma part à votre mère ses fleurs et ses fruits. » Elles ne lui feront pas autant de plaisir que si elle les recevait de votre main. Elle vous aime et vous vénère si tendrement. Puis elle ne cesse de répéter qu'elle n'a plus que quelques jours à vivre. Son accablement est extrême, sa respiration étouffée. Ah, je vous en supplie, Miss Dulcie, ne retournez pas à Fairview sans la voir. Ce sera peut-être la dernière fois. » Ces mots décidèrent Dulcie à céder au désir de l'enfant. Elle se retournait pour féliciter Mattie de la bonne tenue de sa chambrette, lorsqu'elle s'aperçut que déjà elle n'était plus là. La porte qui séparait cette petite pièce de celle où couchait Lucy Green était restée entrebâillée, de sorte que l'on entendait de l'une tout ce qu'on disait dans l'autre. La première phrase qui frappa l'oreille de Dulcie lui inspira un irrésistible désir d'en savoir davantage. « Pourquoi, disait Morton, m'avoir caché ces faits lorsque je suis allé vous trouver à Avonmore ?»« Parce que la reconnaissance m'obligeait à me taire. Depuis, j'ai réfléchi que je ne devais pas emporter dans la tombe le secret que je garde depuis si longtemps. Seulement, avant de vous faire cette confidence, promettez-moi, monsieur, que Miss Dulcie n'aura jamais à en souffrir. Miss Courtney n'aura jamais à se plaindre de moi, je le jure. Elle m'est toujours si chère, mais rien ne peut modifier le passé et empêcher qu'elle ne soit la fille de l'assassin de mon père. C'est vrai, mais vous savez aussi qu'elle fut le mobile du crime. Ce Rêvrard aimait passionnément sa femme. Il était le meilleur et le plus tendre des maris. Loin d'être payé de retour, il ne trouva jamais en elle que froideur et éloignement. Elle était éperdument éprise de votre père, qui avait pris possession complète, entière, de son cœur ardent et passionné bien avant qu'elle devînt Lady Courtney. Pourquoi ne l'a-t-elle pas épousée? Parce que sa mère, Lady George Rothney, femme ambitieuse et vaine, en avait décidé autrement. Elle persuada sa fille que Sir Walter Blake aimait une autre femme, une jeune et belle veuve, fixée depuis peu dans le pays, et que le mariage se ferait tôt ou tard. On partit pour le midi, à peine installé à Cannes, Sir Everard fit son apparition. Walter Blake, resté en Angleterre, justifia l'adage, les absents ont toujours tort. Car au bout de très peu de temps, Miss Alice et Sir Everard Courtney étaient fiancés. Lady George fit des pieds et des mains pour que la célébration du mariage eût lieu sans tarder à Cannes. Les jeunes époux partirent illico pour l'Italie. Miss Alice était tellement dominée par sa mère qu'elle céda presque sans opposition. Je ne voyais pas sans effroi la rapidité du courant qui l'emportait, mais je n'avais nulle autorité pour le lui dire. l'avenir ne me donna que trop raison. Quand Lady Courtney revit-elle mon père, plusieurs mois après son mariage, en voyage, l'irritabilité de ses nerfs et de son caractère était extrême. Seule dans sa chambre, elle pleurait souvent. Il était évident pour moi qu'elle avait au fond du cœur une blessure profonde. Dès que le jeune couple fut de retour à Fairview, M. Walter Blake y reçut le plus cordial et le plus sympathique accueil. Sir Everard ne doutait ni de l'amour qu'inspirait sa femme à son ancien ami, ni qu'il fût payé de retour. Souvent, de ma fenêtre, je voyais M. Walter Blake se promener en tête-à-tête avec Lady Courtney, causer avec elle, admirer ses toilettes, la fleur qu'elle portait dans ses cheveux. Ils paraissaient tous deux s'abandonner avec tant de joie aux douceurs de l'intimité qu'il était évident qu'une catastrophe s'ensuivrait. Mais qu'y faire dans mon humble sphère? Vous auriez dû avertir Lady Courtney du danger auquel elle s'exposait. Je hasardai un jour quelques allusions, mais Lady Courtney me remit à ma place en me faisant observer que je me mêlais de ce qui ne me regardait pas. Puis, se ravisant, elle se jeta à mon cou, me disant qu'elle était bien malheureuse, bien à plaindre. J'ai fait tout ce que j'ai pu, ma situation étant donnée, pour la retenir sur la pente glissante où elle était lancée. Mais sa destinée était plus forte que sa volonté. Sa mort seule la sauva de la chute fatale qui la menaçait. Mon père et elle se voyaient-ils souvent? Hélas, oui. Ils se rencontrèrent d'abord par hasard, puis ils se donnèrent ensuite des rendez-vous. Je ne sais par quel concours de circonstances. Je découvris tout, car je n'avais pas l'honneur des confidences de Lady Courtney. Mon attachement pour elle et mon désir de la retenir dans cette course à l'abîme me rendirent clairvoyante. Et lorsque ma maîtresse projetait une longue promenade, je n'en devinais que trop bien le but. Jusqu'à ce moment, Lady Courtney ne sortait du parc qu'en voiture ou à cheval. Tout à coup, elle se prit de passion pour la marche et faisait de longues promenades à pied deux ou trois fois par semaine. Elle en revenait toujours radieuse, les mains pleines de fleurs. Je connaissais assez le pays pour savoir qu'elle ne pouvait venir que du bois de Tingley. Souvent, elle portait une fleur d'un rouge éclatant à son corsage, me la faisait admirer, puis la mettait elle-même dans un porte-bouquet, en prenant autant de soin que s'il se fût agi de conserver la plante de serre la plus rare et la plus précieuse. Rien n'excitait autant son admiration, son enthousiasme, que cette modeste fleur des champs. Une fois, je m'oubliais jusqu'à m'écrier « Ah, Lady Courtney, vous ne la trouvez si belle que parce que c'est lui qui l'a cueillie ?» Ma maîtresse me fit signe de me taire, ne se doutant pas qu'en prononçant ces mots, j'avais cédé à un invincible mouvement de jalousie, car moi aussi, M. Morton, j'aimais votre père. Arrivée à cette période de son récit, la malade cessa un moment de parler, se renversa sur son oreiller et eut un sourire d'une amertume poignante. « En effet, reprit-elle, comment Lady Everard Courtney eût-elle pu voir, en la pauvre fille qui la servait, une de ses pareilles, faite comme elle pour souffrir et aussi pour aimer ?» Peu à peu, il ne suffit plus à Lady Courtney et à Sir Walter Blake de se voir. L'entraînement fatal auquel ils cédaient, leur faisant oublier qu'ils s'exposaient à un réel danger, ils s'écrivirent, et c'est moi, M. Morton, c'est moi, qui fus chargé de la transmission de leurs lettres respectives. Il fut convenu que je déposerais celle de Lady Courtney dans le creux d'un arbre, où je trouverais également celle de Walter Blake. Je n'ignorais pas que je me rendais coupable d'une action méprisable, en leur servant ainsi d'intermédiaire. Mais Lady Courtney avait fini par avoir raison de ma résistance et de mes scrupules, à force de supplications. Je faisais régulièrement la course, si régulièrement même, que ce fut là ce qui donna l'éveil. Comment cela? Le valet de chambre de Sir Everard, à qui j'inspirais une vive passion, passion d'autant plus vive qu'elle n'était pas partagée, me guettait avec l'œil d'un amant jaloux. Il découvrit bientôt mes courses quotidiennes dans la direction du bois de Tingley et me proposa de m'accompagner. Mon refus l'exaspéra. Il s'imagina que j'allais à un rendez-vous et il en avertit sans doute son maître, disant que je n'étais pas la personne qui convenait près de Lady Courtney. Or, un jour où j'allais chercher la lettre de M. Blake, Sir Everard me suivit à cheval. Je l'avais aperçu traversant le village sans me préoccuper de la direction qu'il allait prendre. Arrivé au fameux arbre receleur, je m'emparai tranquillement de la lettre. J'allais m'engager dans un sentier conduisant à Fairview, lorsque je me trouvai en face d'un cavalier me barrant le passage. C'était Sir Everard, à cheval sur son plus beau pur sang. J'éprouvai à sa vue un tel saisissement que je n'eus même pas la présence d'esprit de dissimuler la malheureuse lettre que j'avais à la main. « Que tenez-vous là ? » me dit-il. Je balbutiai quelques mots où j'eus la maladresse de mêler le nom de Lady Courtney. « Comment ? » s'écria-t-il. « Vous osez compromettre le nom de Lady Courtney dans vos viles intrigues ?» En disant ces mots, il se pencha vivement sur l'encolure de son cheval et saisit la lettre en moins de temps qu'il ne m'en faut pour le raconter. Il la décacheta, la lut, puis piquant des deux, il partit d'une allure désordonnée pour Fairview. Lucy Green retomba de nouveau sur son oreiller. Son front ruisselait de sueur. Elle paraissait à bout de force. Morton approcha des lèvres décolorées de la pauvre malade une cuillerée de potion calmante, puis il se rassit d'elle, trop ému lui-même pour pouvoir parler. « Je courus, en suffoqué, jusqu'à la lisière du bois, » reprit-elle. « Là, je fus obligé de ralentir le pas, quoique marchant toujours si vite que mes jambes me le permettaient. Je rentrai par une porte de derrière ouvrant sur la basse-cour. Je rencontrai l'un des grooms. Je lui demandai si Sir Everard était rentré. Il me répondit que oui, et qu'il était au salon avec Lady Courtney. Je courus à la porte. N'entendant rien, j'entrai et je vis Madame étendue à terre sans connaissance. Sir Everard n'était plus là. Je jetai quelques gouttes d'eau sur le visage de Lady Courtney, qui ne tarda pas à reprendre ses sens. Bientôt elle put me raconter la scène terrible qui venait de se passer entre elle et son mari. Elle me conjura de porter au plus vite une lettre à Walter Blake me disant que c'était pour lui une question de vie ou de mort. « Vous m'avez toujours fidèlement servi, » dit-elle, « et je fais appel à tout votre dévouement. Comment aurais-je pu lui refuser dans une pareille conjoncture ?» Sir Everard dîna seul. Il ne s'inquiéta pas plus de madame que de moi. En revenant de Tingley, je montai 4 à 4 près de ma maîtresse. « Aviez-vous vu mon père ?» demanda Morton. Je tenais à lui remettre en personne la lettre dont j'étais chargé. Il était entouré de ses enfants, deux petites filles et un fils. C'était vous-même. Monsieur Blake me demanda s'il n'y avait rien de neuf. Je lui répondis que la lettre lui en apprendrait plus long que je ne pouvais lui en dire, puis je me hâtai de reprendre le chemin de Fairview. Ce fut la dernière fois que je vis le noble et sympathique visage de votre père. Au moment où j'allais franchir le seuil de la porte, il me prit la main et me dit « Je sais que vous êtes d'un dévouement à toute épreuve. Soyez fidèle jusqu'à la fin. » Il voulut me faire accepter un billet de banque que je refusais. La poignée de main qu'il m'avait donnée était pour moi la meilleure des récompenses et resta le meilleur des souvenirs de ma triste vie. Lucie se tut de nouveau un instant. Ses pensées semblaient absorbées dans le passé. Ses yeux avaient une expression d'une mélancolie indicible, en regardant un coin de ciel bleu à travers sa fenêtre ouverte, encadrée de plantes grimpantes. Le lendemain, reprit-elle, ma pauvre maîtresse ne quitta pas la chambre. Elle était trop souffrante pour qu'il fût possible de la laisser seule. Après le déjeuner, Sir Everard monta à cheval en costume de chasse. Il n'avait pas revu sa femme et ne rentra pas pour dîner. L'état de Lady Courtney allait toujours de mal en pis. Sans attendre le retour de Sir Everard, on demanda en toute hâte le docteur Jebb d'Hawthorpe, qui télégraphia immédiatement à l'un de ses confrères de Highlear d'arriver au plus tôt. « À quelle heure revint Sir Everard ?»« Je ne saurais préciser. Peut-être à 7h30 ou plus tard encore. » J'étais auprès de ma pauvre maîtresse agonisante lorsque je le vis entrer, aussi pâle qu'un spectre, dans le cabinet de toilette de Lady Courtney. Il resta là, silencieux, immobile, comme une statue de marbre. À 11h, ma maîtresse donna le jour à une petite fille. La garde prétendit avec tant d'assurance que tout danger était conjuré que les médecins se décidèrent à descendre. Sir Everard s'approcha alors du lit de sa femme et lui parla avec une douceur extrême. Il lui exprima sa confiance dans un prompt rétablissement en ajoutant qu'il en serait bien heureux. Faisant alors appel à tout son courage, Lady Courtney se releva péniblement sur ses oreillers et répondit d'une voix qui trahissait une extrême faiblesse. « Non, Sir Everard, non. Il vaut mieux que je meure. Ma vie n'a été qu'un tissu de mensonges et de trahisons. Oui, je vous ai trompé. Non pas que je sois tombé aussi bas que vous le croyez peut-être, mais, en vous épousant, mon cœur n'a pas cessé d'appartenir à un autre, et maintenant, je ne demande, je n'aspire qu'à mourir. « Pourquoi ce dégoût de la vie ?» reprit Sir Everard, en s'agenouillant près du lit. « Pourquoi ce désespoir, si je vous pardonne ?»« Oublions le passé, et reprenons-nous à de nouvelles espérances de bonheur près du berceau de notre enfant. » En disant ces mots, il s'était emparé de la main de Lady Everard, mais elle la retira avec un geste de haine indescriptible, s'écriant « Votre main est glacée. J'ai peur. » Une garde faisait à côté la toilette du bébé, en causant avec les femmes de la maison. Je distinguais clairement ces mots de la chambre de Lady Courtney, où je restais en permanence. « Pauvre Monsieur Blake, mort assassiné, quel crime odieux, lui, un si bon homme !» Les malades, comme on sait, ont souvent l'ouïe d'une sensibilité prodigieuse. Je n'avais pas été seul à entendre ces paroles. Ma maîtresse, se levant sur son séant, s'écria en repoussant avec horreur Sir Everard. « Walter Blake assassiné? C'est vous qui l'avez tué !» Puis elle retomba sur son lit, en proie à une crise de nerfs épouvantable. Je courus vers elle, j'essayai de la calmer, j'appelai un médecin à corps et à cri, car je prévoyais que cette attaque allait lui être fatale. Sir Everard, toujours à genoux, priait, suppliait sa femme de lui pardonner, mais il ne put obtenir d'elle que ces paroles « C'est vous qui l'avez tué !» Puis elle poussa un faible cri et commença à râler. Elle se débattait avec son oreiller brodé et orné à profusion de dentelles, pâle, les cheveux épars, dans l'état d'agitation nerveuse qui pressait toujours la fin de la dernière lutte entre la vie et la mort. Quand les docteurs entrèrent dans la chambre de Lady Courtney, elle paraissait plongée dans une sorte de stupeur, mais tout était fini, son cœur avait cessé de battre. Peu de jours après cette catastrophe, Sir Everard me congédia. Il me recommanda de m'adresser à lui si jamais j'étais dans le besoin. Voilà comment j'ai fait appel à sa générosité quand je me suis trouvé à court d'argent. Je ne sais réellement ce que nous serions devenus sans les 800 francs qu'il me donnait chaque année pour payer mon loyer. Peut-être manquai-je à la reconnaissance que je lui dois en vous faisant ce terrible aveu, mais je compte autant sur votre discrétion que sur votre indulgence. Mon esprit, affaibli comme mon corps par la souffrance, s'est laissé aller à ce dernier épanchement. Vous êtes trop généreux pour vous en faire une arme contre Sir Everard, n'est-il pas vrai? Soyez assuré que je n'en profiterai jamais. Mon amour pour Dulcie sera la sauvegarde de son père. Je me bornerai à remplir mon devoir de fils en jetant un jour le nom exécré d'assassin à la face de Sir Everard. Mais ce sera en tête à tête. Vous renoncez à épouser Miss Courtney? Ce serait une union sacrilège, maudite. À ce moment, un cri déchirant retentit dans la chambre voisine. Morton ne l'entendit pas, car en même temps entrait un nouveau visiteur dans celle de Lucy Green, en demandant à la pauvre femme de ses nouvelles d'une voix vibrante et sympathique. C'était M. Haldimand qui, chaque jour, à cette même heure, venait lui apporter des paroles de consolation et de suprême espérance.